أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شيخ فيصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Richesse, lien faveur ou soit lien malheur. Richesse, lien faveur qui Allah fin donne insan. Il y a deux qualités richesse. Il y a richesse spirituelle et il y a richesse matérielle. Mais pour aujourd'hui, nous vous parlons seulement richesse matérielle. Comment nous connaît richesse matérielle? C'est ça qui dans forme l'argent, la cour, à pancane, bis, camion, possède magasin, en a beaucoup bijoux, en a beaucoup essence linge. Alors ça, c'est ce qu'on appelle richesse matérielle. Et point de monde possède tout ça là, ou une partie là-dedans, les besoins à l'argent. Et les besoins font des efforts pour gagner ça l'argent là. Richesse matérielle, c'est une grande faveur qui Allah le Créateur donne du monde. Il y a une grande faveur et il pourrait être une grande faveur, mais avec certaines conditions. Sinon, il y a la même, il vient un malheur. Un malheur qui, si tant est grave, qui dit moun qui possède sa richesse là, l'eau la terre, l'eau la terre même, il peut souffrir par sa richesse là, et après la mort dans l'akhirat, il peut regretter beaucoup. Donc, qui sa bonne condition pour qui sa richesse là, sa richesse qui dit nous posséder là, il y a une faveur qui Allah fin donne dit nous là, et il reste une faveur et dit nous là bénéficier avec sa richesse là dans dunya et dans akhirat. Qui sa bonne condition là? Première condition, c'est faudrait qu'il sa richesse qui dit moun possède là, li fin gain li par ban moyen qui Allah permet. Par ban moyen halal. Deuxième condition, pour qui sa richesse là, li en faveur, et li reste en grand faveur qui Allah donne insan, faudrait qu'il dit moun qui possède li, servi li dans place que Allah fin permet. Il servit dans façon qui Allah fin permet lui. Faudrait pas qu'il y dépense, il place sa richesse là, dans place qui Allah pas content. Troisième condition, faudrait pas qu'il sa richesse là, empêche Zimoun pour observer droit qui Allah en a l'oli. Faudrait pas qu'il sa richesse là, en paix Zimoun là pour faire ce devoir vis-à-vis ce Créateur. Quatrième condition, faudrait pas qu'il sa richesse là, en paix Zimoun là pour observer droit qui les autres Zimoun en a l'oli. Faudrait pas qu'il sa richesse là, faire Zimoun là, faire dominer avec les autres. Avec sa bonne condition là, richesse qui dit moun fin gagné, il y a une grande faveur qui Allah fin donne dit moun là. Et dit moun là, il vous bénéficiez beaucoup avec sa richesse là, l'eau salatée à la même et aussi après la mort dans l'akhirat. Première condition, c'est faudrait que richesse-là fin gagnée par moyen halal, par moyen qui Allah fin permet. Sinon, dimoun là, il peut souffrir, il peut regretter parce qu'il peut mériter bénédiction d'Allah. Dans Surah Al-Baqarah, deuxième surah dans le Coran, ayat numéro 174, Allah subhanahu wa ta'ala dit: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ. Certainement, ban qui cassiette ce qui Allah fait descendre depuis dans le livre, c'est-à-dire depuis dans le Coran, et par ça, je gagne un petit prix, c'est-à-dire Moussoulaza, ce ban-là, zot penek met diffé dans zot vente. Get ban dimoun, ki pe ramas kas, pe kasset la vérité qu'il y a dans le Coran, pe kasset la vérité qu'il y a dans le Coran, que Allah peut montrer qui qualité iman qui dimoun besoin en allo Allah, qui qualité confiance qui dimoun besoin en allo Allah, dis-moi pas qu'un droit prier un autre à part Allah. Dis-moi pas qu'un droit faire sijda, faire ruku pour un autre à part Allah. Ben, dis-moi qui peut cacher la vérité qu'il y a dans le Coran, pour qui je gagne un tigin casse avec ce groupe dis-moi. Ça, ben, dis-moi là, même si nous trouvons autres péris dans Zoli la case, péroule Zoli le taux, je pénèque que prépare 10 faits pour mettre dans votre vente. Dans Surah An-Nisa, quatrième Surah dans le Coran, ayat numéro 10, Allah subhanahu wa ta'ala dit: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Certainement, ban qui mange du bien, ban au félin par injustice, zot nek peut mettre dans zot vent diffé, et zot pour brûler dans un diffé, c'est-à-dire diffé l'enfer. Il y a un autre moyen encore, qui dit moun ramasse fortune, ramasse richesse, un moyen haram, mais seulement ce moyen-là, il peut faire dit moun là regretter. Ça l'argent qui ramassait dans sa façon-là, insan là, dit moun là pour regretter, parce qu'il, les peut préparer 10 faits pour mettre dans ce ventre. Donc, ban dimoun, qui le nom, ban ofelin, ban yatim, peut ramasser l'argent, pour mettre dans construction zot la case, ou passer le taux, ou n'importe qui chose personnelle pour zot, ça ban là, même si nous peut trouver zot, peut jouir à sa l'argent là, pour un petit maman qui se peut jouir, zot peut préparer 10 faits pour mettre dans zot ventre. C'est Allah qui peut faire nous comme sa vérité là. Dans Surah 24, ayat numéro 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Certainement, ban dimoun qui content que l'immoralité propagé, fané, parmi ban kena iman, pour sa ban dimoun la, en en punition dire, dans dunya et dans akhirat. Ban dimoun, qui peut gagner casse, par moyen ban fim mal propre, per en zoli la case, per ou zoli le taux. Ça, pour un petit maman qui se peut jouir sa richesse qui se peut ramasser là. Ban dimoun qui par moyen film, ban film mal propre, ban revue mal propre, ban photo mal propre, ban cassette, kout la fin enregistrer ban parole immoralité, ban santé porno, ban qui peut servir sa ban moyen là pour gain casse. Et je peux gâte la société ban kena iman. Sa ban là, Allah Ta'ala peut faire connaître, et une punition dire pour eux dans dunya et dans akhirat. Comme ça même, ban di moun, qui peut organiser ban get together, ban picnic mix, la fin de l'année ou n'importe quelle occasion. Ça ban là, peut faire tout ça ban, fête là, peut organiser, tout ça ban qui chose là, je peux inviter di moun vers al-fahisha, vers l'immoralité, vers quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Tout ça va une quelque chose là, pour donner l'élan, pour exciter ban jeune surtout, vers sa grand péché qui appelle l'adultère. Peut inviter di moun, peut inciter di moun vers l'immoralité. Ban di moun qui peut content, ça va une quelque chose mal propre là, fané parmi ban kena iman, Allah ta'ala dire, pour ça ban là, il y a une punition dire dans dunya et dans akhirat. Et remarque bien, Allah dit, fil ladina amanu, parmi ban kena iman, qui fait? Qui fait ban qui fan sa ban quelque chose mal propre là, parmi ban kena iman, je te mérite telle punition. Parce qui, ban qui pena iman, ça ban dimoun là, ça même ban qui, hier, je t'ai qualifié une certaine petite chose comme obscène, aujourd'hui, je t'ai appelé la mode. Ça même petite chose qui, hier, je t'ai qualifié comme obscène, aujourd'hui, ça ban dix moun qui peine à iman là, je t'appelle ça la mode. C'est qui, hier, ban là, tu appelles l'adultère, vice, et d'autres formes immoralité, aujourd'hui, je t'appelle ça liberté et progrès. Que ça même Allah subhanahu wa ta'ala est spécifié parmi ban kena iman, parce qu'il ban kena iman qui pour content amène un la vie propre. Donc ban di moun qui peut rôde sale la vie ban kena iman, Allah fin promet une punition dire dans dunya et dans akhirat. Donc chers frères et sœurs, ça ban moyen là, ça ban moyen qui nous mentionne là, vraiment permet une casse pour ban di moun. Sa ban moyen là vraiment permet une richesse pour beaucoup de monde. Mais sa richesse là, pour faire sa ban de monde là regretter. Sa richesse là, qui peut gagner dans sa façon là, il n'y a pas une faveur d'Allah ça. Il y a une malheur. Dans Sourah 83, ayat numéro 1 jusqu'à ayat numéro 6, Allah ta'ala dit, وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الله بيجي dans ces trois ayats là malaya aban ki coquin le balance Allah pe menace ban dimun qui ramasse l'argent dans l'autre forme qui est haram, qui Allah pas content. Malheur à sa bandimoun, qui coquin le balance là. Alladina idha ktalu ala nasi yastawfoun. Alladina idha ktalu ala nasi yastawfoun. Sa même ban, qui quand je te pesais, pour je t'achete quelque chose pour je te prends je droit plein plein. Mais wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Quand je mesurais, quand je pesais pour vendre avec dimoun, je coquin dimoun. C'est-à-dire quand je achetais je trouve je droit plein plein. Mais quand il a pour donne dimoun je droit, là je coquin droit dimoun. Allah qui dit après ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Est-ce qui ça ban là? Je ne pas penser qui je t'ai là pour élever, c'est-à-dire qui Allah pour élever les autres après la mort, les yaumin azim, pour un grand jour. Je pourrais élever pour un grand jour. Qui ça jour là ça? Yauma yaqoumun nasu li rabbil alamin. Jour qui ban dimoun pour dibouter, diva rabbul alamin. Jour qui tout ban insan pour présenter devant Allah. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala, be fait connaître qui, sa façon faire commerce là, qu'aucun le balance, qu'aucun droit d'imoun, ça, les haram. Et Allah qui peut menacer sa bande d'imoun là, veut dire sous punition pour bien bien dire, même qui, d'imoun là, quand il sévit sa moyen là, il est capable de gagner richesse, il est capable de acheter la cour ou la cour, la case l'étage peut arranger la vitesse, mais seulement sa richesse là, il n'est pas une faveur, il est un malheur. Dans hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois nous connaît, qu'un dimoun qui mange l'argent l'intérêt, un dimoun qui mange l'intérêt, comme punition, dans l'akhirat, il vous donne la rivière, dans certaines riwayat dire, qu'il arrivait là pour rouge, comme a dit ça, et certaines riwayat dire, qu'il vous donne la rivière, dit ça même. Ça, dimoun là, il peut naser dans ça, la rivière là. Il peut naser jusqu'à ce qu'il vienne dans beau la rivière là. Et dans beau la rivière là, là, il y a un dimoun. Et avec ça, un deuxième dimoun là, il y a une pile rose. Il y a beaucoup rose avec lui. Ça, dimoun qui peut nager dans ça, la rivière là, là, il y a proche beau la rivière. Il peut ouvrir sur la bouche. Lui-même, il ouvre sur la bouche. Et ça, l'autre dimoun qui peut débouter avec une pile rose là, il peut prendre une rose, il peut lancer dans sur la bouche. Et ça, dimoun là, il peut tomber dans d'ilo. Il peut réaller une certaine distance pour lui sauver, comme on dit, avec ça, dimoun qui vient taper coup de rose là. Et après un moment, il peut nager pour lui revenir d'en bas encore. Léa, il vient d'en bas. Lui-même, il ouvre sur la bouche encore. Et ça l'autre dimoun là relancé avec un coup de rose dans sur la bouche. Il est retourné encore, il y a dans la rivière là. Après un moment, il est retourné pour venir d'en bas. Comment il vient d'en bas, ça là, relancé à coup de rose. Et ça peut continuer comme ça même. Chers frères et sœurs, c'est une vérité que nous prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin fait nous connaît. Moins de doute qu'il y en a dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pas pour profiter. Nous pas pour profiter avec sa message que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin amené là. Allah qui vient prépare une variété de punition pour des gens qui méritent lui. Et Allah même qui vient faire ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaît dans qui façon tel des gens qui vient commettre tel péché, dans qui façon il peut souffrir dans l'akhirat, qui punition il méritait. Donc pour un des gens qui mange l'intérêt, Allah, qui qualité punition, qui peut attendre dans l'akhirat. Même qui sa dimoun là, dans Tigin l'étang, il peut réussir à ramasser beaucoup de casse. Et puis il ramasse beaucoup de casse, il peut faire les tout dunia avec sa casse là, mais seulement il n'est pas pour jouir sa casse là. S'il peut jouer pour un petit maman, sa richesse là, pas une faveur ça, c'est un malheur, parce qu'il, il fait une servie moyen qui Allah pas content pour gagner sa richesse là. Dans le hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah ta'ala fin dit, c'est même qu'appelle hadith Qudsi. Un hadith dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah fin dit telle qu'il chose, ça appelle hadith Qudsi. Dans ce hadith Qudsi là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah fin dit. Trois catégories d'imoun, moi je discute avec eux jour Qiyamah. Avant qu'il n'ait plus devant avec ce hadith là, chers frères et sœurs, comprends sa expression là. Quand Allah peut dire trois d'imoun, trois qualités d'imoun, moi je discute avec les jour Qiyamah. Veut dire qui qualité? Péché grave, qui s'abandonne d'imouna fin faire pour qui Allah qui vous discute avec eux. Et Allah pour dire la vérité. Allah pour faire la justice. Veut dire qu'il insan qui Allah pour discute avec lui, veut dire qu'il parle souffert à Zou Qiyamah. Un dans sa trois là, Allah t'a dit, un dimoun qui fin employ un autre dimoun pour travailler contre lui, li fin bénéficier di moun la so service, mais seulement li pa fin donne li so salaire. Be diyen di moun, li fin employe un kiken pou travay kote li dans so la case, pou fè l'ouvrage, pou lave linge, pou nettoye la case, pou lave ban vaisselle. Ou bien di moun ki fin employe un lot dans so magasin, ou bien la boutique dans so l'usine, il finit profiter avec service sa travailler là, mais seulement arrive la fin du mois, il fait les signes 2000 et il vous donne 10 800. Il fait les signes 4000, il vous donne 10 3000. Ça 1000 là il pour coquin, ça 1000 là il pour amener la case, ça 1000 haram là li pour ramasser dans des trois bananes, il part dans une jolie la case. Richesse qui ramassait dans sa forme là pour le regretter après la mort. Richesse qui ramassait dans sa forme là pour faire dimoun là regretter après la mort au Qiyamah. Donc, chers frères et sœurs, veut dire ça aussi un moyen qui Allah pas content quand on employe un dimoun. Nous finissons faire condition, nous vous donner temps, la fin du mois, et nous finissons expliquer libre en travail, mais arrivé, soit qui, la fin du mois, nous donne moins qui nous tidiali, ou bien pendant qu'il y peut travailler, nous donne plus travail qui nous tidiali, et la fin du mois, nous pas beau augmenter ce salaire, nous donne pareil. C'est un zulum. C'est un dominé qui nous peut faire. Sa casse qui nous peut prendre pour sa dimoun là, nous pas pour juger ça, parce qu'il peut une faveur ça, il y a un malheur ça. Dans hadith muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui coquin droit un musulman, et il fait un serment, c'est-à-dire il fait un serment pour faire dimoun croire qu'il s'acquit de choses là pour lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah fait diffait vin obligatoire pour lui. C'est-à-dire, les poils dans l'enfer. Et, le prophète dit, Allah fait jannat haram pour lui. Veut dire qu'il n'est pas pour rentrer dans jannat. Qui s'en là? Ça dit moun qui fin coquin droit à un musulman. Même s'il fin fait serment. Et il connaît qu'il peut faire une fausse serment. Il connaît, il peut faire serment pour lui gagner sa droit qui pas pour lui là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah fait diffait vin obligatoire pour lui, c'est-à-dire diffait l'enfer. Et jannat haram pour lui. L'air, ben sahaba fin tan sa parole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit là, en parmi ben sahaba dit, wa in kana shay'an yasiran ya Rasulallah, ô messager d'Allah, même si une petite chose aussi fin arrivé coquin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa in qadiban min araq, même un petit branche pied, même un petit branche un pied, ça veut dire même s'il fin coquin, dans sa façon là, il fin coquin, un petit bout de branche, pour ça aussi, il y a une punition pour gagner dans akhirat. Dans hadith muslim, rapporté qui, une fois, le fin arrive la guerre, bataille de Khaybar, un groupe ben sahaba, un groupe ben compagnon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je peux pas ce que ben dimoun, qui ne tombe infiniment, alors je trouve un tel, je dis, fulan shahid, un tel fin min shahid, un tel fin min shahid. Je peux dire ça avec un contentement, parce que ben sahaba tikon valait à l'amour un shahid. Jusqu'à que je finne passe côté un dimoun, là je finne passe côté San Allah, et je finne dire encore pareil, fulan shahid, un tel finne min shahid. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là il finne tant ça, il finne dire, kalla, mais non, inni ra'aytuhu fin nar. Certainement, mon fin trouve lui dans différents enfers. Qui faire? Fi burdatin ghallaha ou aba'a. à cause en laisse qui dit une coquin avant qu'il t'y fait partage ban butin. Man butin que man nous connaît, man quelque chose qui gagne dans la guerre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jiban là, non, ça n'a là, non. Mou fin t'oubli dans d'y fait. C'est-à-dire, Allah ta'ala fin montre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui sa dimoun là. Il peut gagner une punition dans d'y fait l'enfer qui fait parce qu'il est coquin en l'aise. Donc, chers frères et sœurs, get, pour un petit quelque chose comme ça, c'est un dimoun fin coquin. Il n'est pas pour saper avec punition d'Allah. Mais calcul à ce terre, ben travailler qui peut travailler, dans le magasin ou bien l'usine, je peux gagner beaucoup l'occasion pour qu'aucun ben l'article, je peux gagner l'occasion pour qu'aucun des centaines de roupies, ça ben dit moun là, qui compte je t'en a pas le regretter après la mort. Ça ben qui peut qu'aucun, peut travailler dans la case dit moun, que ma propriété a pas là, peut ouvrir la mort, peut tirer ce qui est capable de tirer, surtout les propriétaires font oublier la clé dans la mort. Ban qui peut travailler, que ban dimoun peut gagner l'occasion, peut coquin soit casse ou bien ban zéfé, ça ban là, je t'en ai un compte dire pour le régler auprès d'Allah, zo qiyamat. Même qui, je peux own zot la case, je peux ramasser beaucoup casse dans sa façon là, perstérer sans linge, l'aurer sans linge, par moyen haram, sa richesse là, ça n'est pas une faveur ça, mais il y a une malheur ça. Comme ça même. Ban insan, ban locataire, qui repérisse dans la case, là, je dis, prends la case dans le commencement, je dis, pépé, par exemple, 100 roupies. 100 roupies pour 4 la sam. Après 10, 15, 20 ans, les demandes d'augmentation, je te révisé, et je t'en ai toupé pour dire que la loi. Et la loi qu'a faire pour tous les autres. La loi qu'a faire pour tous les autres, pour continuer à payer 100 roupies par mois, tandis qu'il ça même la case, fin vine, azodi, les autres places, capable de coûter 2000, 3000 roupies par mois. Mais seulement la loi qu'a faire nous connaît, plein avec injustice. Mais ça ban dimoun qui pape donne droit, aux autres propriétaires, ça ban casse qui zot pe coquin là, même qui qu'a faire pe donne zot sa liberté là, sa casse là, pas pour jouir sa fortune là, ça c'est un malheur ça. Dans le hadith Bukhari, rapporté qu'une fois, des dîmouns étaient en discussion et je fais une mine contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mette la raison. Léa, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fini diazot, c'est qu'il n'a pas diazot. رسول صلى الله عليه وسلم دي إنما أنا بشر منك أن أمة وإنه يأتيني الخصم إن أبان جمون كيفين أما فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض إي بوسيب كي أن باميزوت لبليكون كوزي كي أن لوت فأحسب أنه صادق. Et alors, moi, pensez qu'il dit dans la vérité, il a raison. Fa'aqdi lahu bidhalik. Et alors, moi, donne ce droit. D'après ce qu'il peut dire à moi, moi, dis qu'il a raison. Et après, il tente ça qu'il profite dire. Faman qadaytu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar. Celui qui me peut donner une petite chose qui passe au haq. Mon pédonien qui te saute, d'après ce qu'il dit fin diamant, mon pédonien dit, mais c'est mal, il connaît qui ça passe au hack ça, ça hack un autre musulman ça, eh bien, ça, c'est un bout d'ifé. C'est un bout d'ifé qu'il y peut prendre. Falya khudha, aouliya trukha. Alors, qu'il y prend lui, ou bien qu'il y quitte lui. C'est-à-dire, ça dit moun là, quand quelqu'un pédonne lui, un qui, disons, peut faire la justice, un qui, Pédris, une discussion qui finit arriver, là, il peut dire qu'il y a un tel, ça pour toi, ça, mais si ça dit, moun la connaît, qui ça quitte chose là, pas pour lui, même si ça arbitre là, peut dire, oui,